82 01 93 053 036 56. Y'a pas de quoi m'appeler Narcisse. L'informatique, je suis le fils. Pour la sécu, j'ai la chepiche. Il faut que je me soigne au générique. Depuis que le mal est numérique, mon matricule remplace Eric. Un chiffre malade, c'est ironique. Est-ce qu'avec mes cotisations, je peux enfin m'acheter un nom? Toutes ces immatriculations ont fait de moi un mec qui a pas de nom. Qui a pas de nom, qui a pas de nom. Pour toutes nos institutions, je n'ai plus de nom. J'ai un numéro de série, une référence. Je suis un démon actif, un consommateur plutôt oisif, un assuré peu maladif, un électeur un peu naïf. 0 93 96 56 8 70 0 0 1 729, j'dirai pas la fin. C'est mon petit nom pour mon banquier. Cette affection me fait marrer. C'est un mariage bien arrangé. J'en ai besoin pour me faire payer. Je suis toujours aussi surpris quand il m'appelle Monsieur Simon pour me proposer un de ses crédits. Là il se souvient de mon nom. Toutes ces immatriculations ont fait de moi un mec. Qu'a pas de nom, qu'a pas de nom, qu'a pas de nom. Pour toutes nos institutions, je n'ai plus de nom. J'ai un numéro de série, une référence. Je suis un élément actif, un consommateur plutôt oisif, un assuré peu maladif, un électeur un peu naïf. 0 1 0 593 10 63 carte nationale d'identité de celui qui vote qui se fait plumer. Faudrait qu'on m'explique, j'ai pas capté. Elle est où la simplicité de tous ces chiffres pour me nommer? Pour mon médecin, pour mon banquier, c'est pour vendre vos calendriers qu'il reste des noms à porter. Je suis un être référencé qui vous emmerde les remplacer. Toutes ces immatriculations ont fait de moi un mec. Qu'a pas de nom, qu'a pas de nom, qu'a pas de nom. Pour toutes nos institutions, je n'ai plus de nom. J'ai un numéro de série, une référence. Je suis un élément actif, un consommateur plutôt oisif, un assuré peu maladif, un électeur un peu naïf. Vraiment trop naïf, hein. T'es bizarre. J'aurais pas dit ça comme ça, moi j'aurais plutôt dit qu'on nous vend genre un petit peu pour des cons quand même, hein. Faudrait voir à pas trop exagérer. Ah ouais, moi je suis le mec qui a pas de nom. Non. Ah bah si.